Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumé du Pré 1860. Question 68. De l'œuvre du second jour. Le firmament, les eaux, s'il n'y a qu'un ciel. 1. Le firmament a-t-il été fait le second jour? Il est dit dans la Genèse, que le firmament soit fait. Genèse 1, 6. Puis l'historien sacré ajoute, et du soir et du matin se fit le second jour. Le firmament a donc été fait le second jour. Il est, dans ces matières, deux principes de haute importance. Il faut, premièrement, croire invariablement à la vérité de l'Écriture sainte. En second lieu, loin de s'attacher exclusivement à l'interprétation qui paraît la meilleure, on doit respecter le sentiment que l'on ne partage pas, de peur d'éloigner les infidèles de la foi, en exposant la Sainte Écriture à leur dérision. Il est certain que le texte sacré est susceptible de diverses interprétations. Ainsi, par exemple, que veut-il signifier ici par le firmament ? Parle-t-il du ciel étoilé, ou simplement de la partie atmosphérique où se condensent les nuages ? Ce mot, qui par lui-même semble indiquer quelque chose d'épais, firmum, autorise à croire qu'il s'agit de l'atmosphère, toujours est-il certain que le firmament a été formé de quelque manière le second jour. Note. Dieu donna au firmament, créé le second jour, le nom de ciel, et cependant le ciel a été créé en premier lieu, comment concilier cela? Saint Jean Chrysostome répond, qu'en disant sommairement, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, pour descendre ensuite dans le détail. L'historien sacré imite le narrateur qui s'exprimerait ainsi, tel ouvrier a bâti cette maison, il en a jeté les fondements, il a ensuite construit les murs, et il l'a terminé par le toit. De sorte que, quand Moïse dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, il ne faut pas entendre un autre ciel que celui qui est mentionné au second jour. On peut répondre aussi que le premier ciel n'était pas le même que celui qui fut créé le second jour, car, le premier peut signifier, soit la nature angélique, comme le croit saint Augustin, soit le ciel empyré des élus, tandis que le firmament, le second ciel, peut s'entendre ou du ciel étoilé ou du ciel atmosphérique. Il résulte de tout cela que la signification du mot firmament n'est pas bien déterminée. On va voir bientôt qu'il en est de même du mot ciel. Fin de la note. 2. Y a-t-il des eaux au-dessus du firmament? Dieu, dit la Genèse, sépara les eaux qui étaient au-dessus du firmament de celles qui étaient au-dessous. On voit par là qu'il y a des eaux au-dessus du firmament. Quelle est la nature de ces eaux? C'est sur quoi on ne s'accorde pas. Il faut, en effet, les définir diversement suivant l'opinion que l'on admet sur la signification du mot firmament. Quelques interprètes ont pensé que les eaux placées au-dessus du firmament sont, non pas fluides, mais solidifiées, à peu près comme la glace, ce qui fait dire à saint Basile qu'elles y sont pour tempérer la chaleur des corps célestes. D'autres prétendent qu'elles sont là à un état élémentaire qui les rend d'une autre nature que les eaux terrestres. Mais, si le firmament est la partie de l'air où se condensent les nuages, il faut dire nécessairement que les eaux supérieures sont vaporisées, et que ce sont elles qui donnent naissance aux pluies. 3. Le firmament divise-t-il les eaux des eaux? Il reste à expliquer comment le firmament peut diviser les eaux d'avec les eaux, car voici les paroles du texte sacré. Que le firmament soit au milieu des eaux et qu'il divise les eaux des eaux. Genèse 1, 6. Il faut savoir que, sous le terme d'eau, Moïse, qui parlait pour le commun des hommes, désignait tout à la fois l'eau, l'air, les vapeurs, la pluie, les nuages, tout ce qui est diaphane en un mot. C'est pourquoi, soit que par le firmament nous entendions le ciel étoilé, soit que nous entendions notre atmosphère, c'est avec raison qu'il est dit que le firmament divise les eaux des eaux, puisque l'eau signifie les corps transparents. Et, en effet, le ciel étoilé divise les corps inférieurs diaphanes des corps supérieurs diaphanes, et l'atmosphère, ici-bas, divise la partie supérieure de l'air d'où viennent les pluies, de la partie inférieure qui est désignée sous le nom même de l'eau. Note. Il y aurait peut-être une manière toute naturelle d'expliquer le texte qui nous occupe. Ce serait de dire que le firmament divise les eaux des eaux par l'action qu'il exerce sur les eaux inférieures dont il attire une partie qu'il sépare de l'autre en la vaporisant dans l'air. Fin de la note. 4. N'y a-t-il qu'un ciel? Le mot ciel a plusieurs acceptions dans l'écriture. Il désigne tantôt le séjour des bienheureux que nous avons appelé l'Empyré, tantôt la voûte éthérée, tantôt enfin l'atmosphère. Ailleurs il est pris métaphoriquement, et c'est ainsi que l'on appelle ciel la Sainte Trinité, ciel est bien spirituel destiné à récompenser les élus. D'autres fois encore il désigne les différents genres de visions surnaturelles, comme dans le ravissement de Saint Paul. Pour ce qui est du sens propre, on peut dire que la terre est au ciel ce qu'est le centre à la circonférence. Plusieurs cieux sont possibles autour de notre globe, comme autour d'un centre il peut y avoir plusieurs circonférences. On conçoit par là que le psalmiste a pu s'écrier, cieux des cieux, louez le Seigneur. Psaume 143. Markandanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.